bien, bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur FatJack94.2 pour l'émission Code du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vais présenter 8 artistes fabuleux comme d'habitude, comme Vaidri Vib, Génération, Papa Style, Cheb Ziram, Alborosi, sans oublier J Balvin, Anthony B et Sean Paul. Allez les amis, commençons avec le premier chanteur qui s'appelle Vaidri Vib. La chanson est sortie, excusez-moi, en 2005 et elle se nomme Rien ne changera. J'aimerais rendre hommage à celle qui, par son intelligente beauté au naturel, a su m'étonner et mettre mes sens en éveil. Une alchimie parfaite, ma merveille. Je t'aime et je voudrais aller plus loin. Je t'emmène, je veux vivre d'autres lendemains. J'ai même prié pour poursuivre ton chemin. Que le calme règne sur notre destin. Je t'aime et je voudrais aller plus loin. Je t'emmène, je veux vivre d'autres lendemains. J'ai même prié pour poursuivre ton chemin. Calme règne sur notre destin. Avant je ne rêvais que de t'embrasser, t'enlacer. Je ne pourrais jamais plus m'arrêter, m'en passer. Tu étais celle qui s'intéressait à tout, celle pour qui rien ne devait rester flou. Même avant de t'aimer j'aurais voulu tout faire pour toi, te montrer ce que tu valais, t'offrir la confiance en soi. J'en ai eu marre des rêves de vivre passif. Je me suis lancé à l'aide d'une feuille et de quoi écrire mes premiers vers en ton honneur. J'ai cru mourir, peur de ta réaction. Je ne savais pas où fuir. Des sentiments étaient là, nos lèvres se sont effleurées. Notre histoire est amorcée, yeah, yeah. Je t'aime, je voudrais aller plus loin. Je t'emmène, je veux vivre d'autres lendemains. J'ai même prié pour poursuivre ton chemin. Que le calme règne sur notre destin. Je t'aime et je voudrais aller plus loin. Je t'emmène, je veux vivre d'autres lendemains. J'ai même prié pour poursuivre ton chemin. Le calme règne sur notre destin. La promesse d'un avenir sans cesse plus fou. L'ivresse de bâtir notre histoire à nous. Je sais où aller, je sais comment vivre. Une vie saine et équilibrée, des marmots en perspective. Aujourd'hui je le sens, j'en suis conscient. Tu es celle que j'ai toujours tant attendue. Tu as changé ma vie, l'a rendue folle, tu m'enivres. Je suis devenu l'homme pour qui rien n'a plus de prix. Je vivais dans le noir, tu m'as apporté la sagesse. Tu ne peux pas savoir au combien te voir partir m'est indigeste. Tu es mon plus grand bonheur, celle pour qui je vis. Tu me rends paisible, avec toi rien n'est impossible. Je t'aime, je voudrais aller plus loin. Je t'emmène, je veux vivre d'autres lendemains. J'ai même prié pour poursuivre ton chemin. Que le calme règne sur notre destin. Je t'aime et je voudrais aller plus loin. Je t'emmène, je veux vivre d'autres lendemains. J'ai même prié pour poursuivre ton chemin. Que le calme règne sur notre destin. Même si parfois la peur de te perdre m'envahit, je tente constamment de rester centré sur l'instant. Car l'espérance que je porte à l'infini change du tout au tout ma vision du présent. Je t'aime et rien ne changera. Car tu sais que tu es tout pour moi. Voilà mes chers Rasta, c'était Vaidri Vib. Je vous propose qu'on continue avec un chanteur très talentueux qui se nomme Génération. Il va chanter la chanson No Want et elle est sortie en 2016. Lost on the wrong way. Careful out your road, we turn you upside down. Members send it, Johnny, just start it up long, yeah. We got to keep with 2 feet on the ground. And if you hear me up, bad man, sit down. Listen me, I chat about the blood clan do. If you get trapped, you're on a dangerous slope. We not go follow the beast, and no man, I'll be blocking our way to go higher. We not go bend off for nothing, and nobody will try to push we under. No man, we not go put them things in our windows. Can't eat a real deadly plan, them a propose. Said the road are full of a rocks and up for them, I go deserve it, you know. The devil works in him, I try to make it take it the wrong way, well, yeah. Don't fail. In a nostrils, shoot them up, fist up using the powder, spending enough bills. You better try and put your money where your mouth is, and tell them anyone knows. So I beg you, please avoid them fuck trees. See the poison out of control in the street, nobody care. Smuggling's all kinds of drugs when we live in a state of fear. Artificial is this paradise, I tell you right now, beware. I swear, don't let them see we are aware. Well, oh, well done. Now you chopped in the can, you rather run. Now, now with children, fist. Voilà les amis, c'était No Want de Jana Ration. Notre prochain artiste s'appelle Papa Style, c'est l'un de mes chanteurs préférés d'ailleurs, je l'adore. J'espère que vous allez l'aimer aussi. Il a commencé sa carrière en 2002 et la chanson, excusez-moi, Kill, que je vais... Oh là là, mais j'ai du mal aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La chanson que je vais vous faire passer s'appelle Yes Papa, vous allez voir. C'est l'une de ses meilleures chansons, je suis sûr que vous allez adorer. Aïnama Ainaba, ya ya ya, Ainaba, rico, Ainaba, original, Robadog style. Je viens d'expliquer pourquoi on m'appelle Papa Style. Je dis yes papa, cherche pas c'est comme ça, et dis-toi même la stèle au-dessus de moi on grave ces deux mots là. Je dis yes papa, comme de qui boum chakalaka, je claque le sunshine sous les chapkas. Je dis yes papa, cherche pas c'est comme ça, et dis-toi même ça stèle au-dessus de moi on grave ces deux mots là. Je dis yes papa, comme de qui boum chakalaka, je claque le sunshine. Je dis quand Steve Nash lâche les passes que LeBron sache ou les flashs, Colbal d'un skate et dunk sur la gueule de Big Jack. Je dis à m'en péter la voix, pas la primera, j'ai vu Ali. fait de mine. Seul que le swing avait le feeling, nous m'en vivait king of this reading. Quand je m'aperçois que t'es venu de loin, qui fait élever les mains, ce hook de ouf, il est pour toi. Alors regarde pas et retiens que je dis yes, papa. Je cherche pas, c'est comme ça, et dis-toi, même ça stèle au-dessus de moi, on grimpe à ces deux mots-là. Je dis yes, papa. Comme de kid boom, chakalaka. Je claque le sunshine sous les chapkas. Je dis yes, papa. Je cherche pas, c'est comme ça, et dis-toi, même ça stèle au-dessus de moi, on grimpe à ces deux mots-là. Je dis yes, papa. Comme de kid boom, chakalaka. Je claque le sunshine. Je rigolais par rafale lorsqu'un ninja lyrical a posé son flow sur arnaque légale. Et quand un général qu'on appelle Levi sans l'artillerie sur les rythmes de la PSB Family, je le braille à chaque fois que le bout du monde m'ouvre les bras. Connais les arts des saps, gagne comme un fada sur le traga. Je le quand ça se stylé les spouses que l'on kiffa. Quand ça devient incandescent, à la limite de la descente, je dis yes, papa. Je cherche pas, c'est comme ça, et dis-toi, même ça stèle au-dessus de moi, on grimpe à ces deux mots-là. Je dis yes, papa, comme de kiboum, chakalaka. Je claque le sunshine sous les chapkas. Je dis yes, papa. Je cherche pas, c'est comme ça, et dis-toi, même ça stèle au-dessus de moi, on grimpe à ces deux mots-là. Je dis yes, papa, comme de kiboum, chakalaka. Je claque le sunshine. Je le dis quand Henry, Jimmy et Tommy sont en moche, t'emmerdes pas sa monnaie pour le compte de Polly. Et quand Danny West sur sa rampe abusée nous a claqué des tics à faire chaler les riders de la vallée. Je le braille de tout mon cœur pour notre favori singer. Les anges impatientés de l'entendre, j'ai nommé le cold roller. Je hurle quand ça se stylé, les smooth que l'on kiffa. Quand ça devient incandescent, à la limite de le dessin, je dis yes, papa, papa, yes, papa, papa. Pour tous les massifs qui chantent avec moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à l'artiste suivant qui va nous faire un petit peu voyager. Il se nomme Cheb Ziram. Je vais vous faire découvrir l'une de ses chansons qui se nomme Libyan Reggae Style. Vous allez voir, c'est juste super. والحنان المعنى الايام ننفو كل كامل تعالى يا غالي les amis, c'était Cheb Ziram. Poursuivons maintenant avec un autre chanteur, il s'appelle Al Borosi. La chanson se nomme Live in Dread. Je vous laisse écouter et on se retrouve juste après. Ayana et Bana, living dread. In a this year town of the living dead. Ayana et Bana, living dread. In a this year town of the living dead. Ayana et Bana, living dread. In a this year town of the living dead. Ayana et Bana, living dread. In a this year town of the living dead. Whoa, I'm so another juvenile, so get me slayed and forsaken. Spiritual education for who never know fate. Some live like dirty zombie, yet them think them live greater. From the Zionites we are sent for. How many a buzz like mosquitoes, so we light in all the papers. For those who crave the dollar sign, no blessings from the Savior. We standing for justice, we no falling for no paper. Where we going to place our heart? I'm a dread from incubator. I'm not a rocket science, put away the calculator. I just don't like what I see. I think we're heading to the precipice. From way back when, from Genesis. Raising walls on premises, laying picnic in a cemetery. Divided by iniquity, divided by geography. I guess we'll never, never stop. I am I born a living dread. In a this year town of the living dead. Qu'est-ce que j'aime cette chanson, les amis. Allez, mes Rasta, c'est l'heure de la devinette. C'est parti. Le chanteur est âgé de 32 ans. Le titre de la chanson en français veut dire « Mon peuple ». Et c'est pas reggae, mais c'est plutôt « Dancehall Reggaeton ». Est-ce que vous avez trouvé ce chanteur très talentueux? Et oui, je parle bien du chanteur Jay Belvin, qui est en duo d'ailleurs dans cette chanson avec Willie William. La chanson est « Migente ». Vous allez voir, c'est juste super. Cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo discoteca. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. Freeze. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gante? Amis, c'était J Balvin et Willy William. Allez, continuons dès à présent avec notre avant-dernier chanteur qui nous vient tout droit de la Jamaïque. Il s'appelle Anthony B et il va nous interpréter la chanson Police. Vous allez voir, vous allez adorer. Stop. Police, who now office he earns a shop? Police, who kill the youths from the block? Police, them now office he earns truth, merciless facts. Who office he earns a drive? Police, are the easiest man for bribe. Police, them now office he get to survive. Police, as we see them, get a youth. C'était Anthony B. Police. Mais Rasta, j'ai voulu finir sur une bonne touche. Donc c'est pour cela que j'ai mis le grand chanteur Sean Paul. Et la chanson s'appelle Hold My Hand. Try drown the clock. Never let it flop, never let it stop. Give thanks for what we got. Me tell you this, girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause it's love that we share. I will stay with you in the right direction. No, have no fear. Sweet, every day we meet. When it done, baby girl, I want it to feed, girl. Yeah, getting up, I want it. Oh, leap any mountain, we climb it. No matter how it's steep, girl. So why can't you see, girl? You know, say my loving run deep, girl. Et bien voilà les amis, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne semaine à tous, on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde.